je lance AZERTY. Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet ! Internet, c'est nettoyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Quand on parle d'art, en général, numérique et technologie ne sont pas les premiers mots qui nous viennent à l'esprit. Pourtant, des artistes qui utilisent des outils numériques et technologiques, ça existe. À Rennes, par exemple, le festival Maintenant voit le jour sous un autre nom en 2001, avec pour ambition de proposer d'abord des ciné-concerts autour des relations entre images et musique. Aujourd'hui, le festival propose concerts, installations et expositions autour de l'art, de la musique et des nouvelles technologies. C'est donc dans le cadre du festival qu'avec Guglielmo, nous avons pu rencontrer Benjamin Le Baron, co-créateur de l'installation Instabilité. Ensemble, nous avons pu discuter de son œuvre, évidemment, et de la place qu'occupe aujourd'hui la technologie dans la sphère artistique. Bon, avant d'aller plus loin, laissez-nous vous parler de l'installation de Tristan Ménez et de notre invité, musicien sur le projet, Benjamin Le Baron. À l'origine, l'œuvre était une performance dans laquelle Tristan jouait avec un mélange d'huile et de peinture pour créer des images sur lesquelles on y voyait des gouttes tomber. Sur scène étaient visibles des tableaux en mouvement accompagnés d'un fond sonore de Benjamin réalisé en live. L'installation, en revanche, est une sorte d'évolution. Imaginez que vous entrez dans les théâtres de Vieux-Saint-Étienne, à Rennes, et vous vous retrouvez dans un espace sombre et immersif, et une vidéo est projetée à grande échelle sur une toile. Dans les images, il y a des sphères, des gouttes colorées vues de haut, tantôt statiques, tantôt en mouvement, qui se séparent ou se confondent, immergées dans un liquide moins dense. Comme de l'eau dans l'huile. Une musique électronique semble appeler les vibrations de ces gouttes. Puis, une grosse goutte tombe au centre et la musique change de ton et de rythme. Et c'est là que vous remarquez que entre vous et l'écran, la toile, il y a comme un piédestal sur lequel est posé un petit plat de verre où se retrouvent en fait les gouttes que vous voyez dans les sur les tissus. Un mécanisme fait en sorte que, périodiquement, une nouvelle goutte tombe sous les plats et modifie ainsi la musique, qui est clairement liée aux formes aléatoires que les gouttes forment sur les plats. Je vous conseille vivement d'aller sur votre moteur de recherche préféré et de chercher Instabilité de Tristan Ménez et Benjamin Le Baron pour vous faire une idée aussi. En tout cas, ce deux liquides qui se ne mélangent pas rappellent clairement la dynamique des fluides. Cette branche de la physique qui étudie comment les fluides se déplacent, qu'ils soient liquides ou gazeux. Intrigués, nous demandons à Benjamin comment ce travail est né. Avec Tristan, ça fait plus longtemps qu'on se connaît déjà depuis une dizaine d'années. Et en fait, moi j'avais beaucoup suivi son travail, donc ses premières expérimentations. Lui, il avait déjà travaillé à la base sur les cordes de Meld, c'était sa toute première installation. Puis après, avec son installation Bloom, qui était autour de la mécanique des fluides. Et en fait, Tristan était venu me voir un jour en disant « bah j'aimerais faire une version live, une version performance de Bloom ». Et en fait, on est parti dans une direction un peu différente, et c'est ça qui a donné Instabilité, en fait. On s'est dit « bah c'est carrément une autre proposition, donc on va continuer à travailler autour de la mécanique des fluides ». Ça restait très intéressant en termes d'image et d'imagerie. Nous, on voulait travailler vraiment autour de la différence entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et donc, mon processus là-dessus, donc Tristan avait déjà quelques expériences. On a vraiment travaillé le son et l'image un peu conjointement. Donc, c'était des allers-retours. Tristan testait des choses. Je faisais de la musique par-dessus. On testait des expériences, donc avec des dispositifs, avec des haut-parleurs, des petits solénoïdes, des choses comme ça. Et une interaction entre mes synthétiseurs et ce que ça pouvait faire sur l'image. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Instabilité. Et quelles sont les difficultés et autres défis qu'on peut rencontrer lorsqu'on essaye de transformer une performance live en une installation ? Là, le défi, ça a été de faire quelque chose qui soit quasi autonome. Là où la performance, ben, du coup, c'est du direct. Donc, Tristan fait ses mélanges sur scène directement. Voilà, tout, il fait toutes les expériences en direct. Donc voilà, c'est dans un temps donné, c'est sur 40 minutes de show. On va devoir faire ça. Donc là, la difficulté, c'est sur cette phase-là de pouvoir refaire les mêmes expériences avec le même rendu quasi à chaque fois. Chaque fois qu'on va faire une performance, il faut qu'on ait à peu près le même rendu. Donc il y a des accidents, des choses comme ça, mais ça, c'est toujours cool, ça fait partie de la performance. Et là, de transformer ça en installation, bah, c'était l'effet inverse. Il faut que ça soit quelque chose qui tienne dans le temps et qui soit pas trop redondant en même temps. C'est quelque chose qui va être sur la durée, là, cette fois. On veut que ça puisse être sur une journée entière d'installation. Donc, il fallait que ça soit à la fois tenable sur la durée et que ça soit en même temps que les gens s'ennuient pas trop devant, quoi. Mais du coup, comment ça marche derrière? Ça veut dire que c'est vraiment de la classification d'images, et du coup, on va identifier les gouttes, et sur la base de ça, c'est relié à une librairie de sons déjà faits. Comment ces côtés-là de relier les deux? En fait, c'est juste une petite goutte, voilà, qui va avec un liquide, donc c'est tout simple, hein. C'est de l'encre qui tombe dans un liquide, enfin, c'est de l'encre et de l'alcool qui tombe dans de l'huile. Et en fait, voilà, cette petite goutte va se diffracter complètement, puis se rétracter, via la caméra qui nous permet de projeter le rendu visuel. On a également tout un système, un logiciel qui va nous permettre d'analyser ce qui se passe en direct. L'analyse de l'image, c'est très simple, c'est du blob tracking. Donc voilà, c'est juste de la reconnaissance. Nous, on a fait en sorte que, hop, quand la goutte tombe, elle tombe au milieu, en fonction de sa position et de sa taille. Donc on va avoir plusieurs données qui vont être envoyées par ça. Et ces données-là, eh ben, moi je peux les récupérer dans mon logiciel de musique, sans rentrer dans les détails. Voilà, on a un protocole OSC qui nous permet de naviguer entre les deux logiciels, le logiciel vidéo, le logiciel son. Et en fait, ces données-là, qui sont renvoyées dans mon logiciel de musique, moi je vais pouvoir les récupérer. Et avec différents outils, eh ben, je vais juste dire, ben voilà, entre telle et telle valeur, sur tel paramètre, je veux que le filtre de tel synthétiseur soit augmenté, soit baissé, qu'en fonction du nombre de gouttes, eh ben, il y ait l'arpégiateur sur tel autre synthétiseur qui s'accélère, que voilà, sur telle autre chose, il y ait, ça envoie telle note. Ou, voilà. Donc il y a quand même un socle qui est préparé. Moi, j'ai quand même préparé une base musicale, hein, c'est pas de l'impro total, et c'est pas envoyé n'importe comment, mais je vais faire en sorte que dans cette base musicale-là, il y ait plein de paramètres qui vont varier, pour que comme ça, on ait l'impression que ça soit tout le temps en changement, qu'il n'y ait jamais la même chose qui revienne, alors que, bon, au final, on a cette même base qui est tout le temps la même, quand même. Une chose qui m'a marqué, effectivement, en voyant l'installation, c'est le côté matériel de l'installation. C'est-à-dire, je me disais, quand j'ai voyé votre travail qui est inspiré à la dynamique des fluides, on aurait pu faire quelque chose, disons, de similaire en utilisant des simulations numériques, par exemple, ou de l'imagerie par ordinateur. Et quand t'arrives, effectivement, il y a cette matérialité de l'encre. Ouais. Non, c'est pas de l'encre, là, c'est de l'huile, etc. Bah, moi, ça m'a plu aussi. Mais du coup, je me demandais pourquoi ces choix, pourquoi aller sur les côtés vraiment d'expérimentation comme ça, plutôt que de l'imagerie par ordinateur. Ah bah, nous, on tenait vraiment à ça, à faire quelque chose d'analogique, entre guillemets. Enfin, faire vraiment quelque chose qui soit simple à réaliser. C'est des expériences qui peuvent être faites chez toi. Tu peux refaire exactement la même chose. C'est quelque chose qui est connu, c'est l'expérience de Marangoni. Nous, on voulait quelque chose qui soit simple à réaliser, simple à reproduire. Et surtout, bah, on tenait à ça, à ce rapport vraiment entre la matière, entre quelque chose de tangible, et en même temps, ce rapport à la technologie et au numérique. C'est quelque chose qui nous intéressait. En fait, nous, on est vraiment inspirés à fond par la science-fiction et par surtout les vieux trucs de science-fiction où voilà, il y a vraiment où c'est pas tout numérique. Quand Benjamin nous parle de son installation, j'ai le sentiment qu'il a fallu un peu de bidouille aux artistes pour matérialiser l'idée qu'ils avaient en tête. En effet, brancher un logiciel d'analyse de liquide à un logiciel de musique, on voit difficilement comment faire sans détourner au moins un peu l'usage de ces derniers. Toute l'installation, tout le module, le dispositif, c'est fait par Tristan en imprimante 3D. Et toi, tu parlais du logiciel et de l'interfaçage entre le logiciel vidéo, le logiciel son, la bidouille là-dedans. Et ben, en fait, bon, c'est un logiciel de musique qui est connu, qui s'appelle Ableton Live. Et en fait, ben, on s'est servi d'outils Max. Max, c'est un langage informatique qui permet de faire plusieurs outils. Et il y a carrément un truc dans Live qui s'appelle Max for Live. Donc, qui permet vraiment d'intégrer dans Ableton des outils Max. Et donc, et là, c'est carrément Tristan qui les a codés lui-même. ces petits outils-là pour faire l'interfaçage entre le logiciel vidéo et ce logiciel musical. Moi, je suis retourné un peu à l'enfance et sur les bancs d'école avec le microscope. Moi, j'ai vraiment trouvé des images de biologie, en fait, hein, vraiment des chimies. Enfin, c'était pas cosmique, en tout cas, dans mon esprit. C'était plutôt comme des cellules, quoi, des choses comme ça. Vous devez savoir que j'ai personnellement une grande passion pour la communication scientifique. Et le fait de faire de l'art avec de la dynamique de fluide m'intrigue, franchement. Je me demande donc quelle est la relation entre la manière de faire de l'art et les contenus scientifiques. Pour nous, la partie scientifique, c'est plus un outil pour arriver à la création artistique derrière. On prend ça comme une inspiration, vraiment. Il y a plein d'expériences scientifiques où le rendu est hyper, hyper cool, hyper joli. Et surtout sur la mécanique des fluides, tu vois, ça donne tout le temps des formes et des couleurs complètement inattendues, complètement folles. Et donc pour nous, c'est plus une inspiration et un moyen d'arriver à ce qu'on veut faire finalement. Il faut que ça serve le propos. Depuis le début, on assomme un peu Benjamin de questions techniques, de pourquoi ce choix et pas un autre, comme si quelque part, on recherchait des réponses concrètes à son expression artistique abstraite. Et si on avait tort d'essayer de comprendre comment ça marche ? C'est pas vraiment ce que nous a dit notre invité, mais à un moment, Benjamin a quand même voulu rappeler que la technique, ce n'est finalement qu'un outil, et que c'est peut-être pas ça le plus important. On parle que de technique, là, depuis le début. Mais nous, il y a un autre truc sur lequel on est très, très attaché, c'est aussi la poésie dans ce qu'on va développer. Et nous, on veut que le côté technique, ça soit juste de la technique, et que ça se ressente le moins possible. Qu'en fait, quand on arrive sur soit la performance, soit l'installation, que ça paraisse très simple et que n'importe qui puisse comprendre à peu près comment ça se passe. Mais on ne veut pas direct que hop, t'es un bac plus 20 en art numérique pour comprendre vraiment ce qui se cache derrière. On veut garder quand même ce côté très, c'est pas le bon mot, mais très pop dans l'approche. Pourquoi l'œuvre, elle est aussi pop. On a vu des trucs, nous, dans nos parcours personnels, des expos où, parfois c'est hyper bien, mais des fois t'es vraiment devant le truc et tu fais « je comprends rien » et ça m'intéresse pas, quoi. Moi j'ai tendance à dire que quand je vais commencer à plus m'intéresser à la technique, vraiment, que à la beauté de l'œuvre, sauf si c'est voulu, tu vois, sauf si c'est vraiment voulu par l'artiste, que ce qu'on ressent en sortant de là, c'était vraiment un côté technicien, où là, ça devient intéressant, mais si la personne va proposer quelque chose d'artistique sur le papier, et puis tu sors de là, t'es là, les lumières étaient jolies, ou le son était bien, mais que dans l'ensemble, t'es là, j'étais totalement hermétique à ça. Nous, on voulait que ça soit accessible à tout le monde, et qu'on comprenne facilement ce qui se passe entre la goutte qui tombe, l'écran, le son qui se déclenche, des trucs simples, et qu'en même temps, les gens fassent, bah ok, c'est cool, c'est joli, il se passe quelque chose, quoi, on ressent quelque chose, quoi. Justement, ouais, tu l'as dit, c'était une volonté. Et tu dirais que c'est par la simplicité de ces mécanismes et la facilité qu'on a à comprendre comment ça marche que ça en devient une œuvre compréhensible par tous. Oui, il y a de ça. Bah, tu vois, le fait, ne serait-ce que le fait que ce soit une expérience simple à mettre en place, que chacun puisse reproduire chez soi, moi, je trouve ça intéressant aussi, ce côté un peu... c'est très prétentieux, hein, mais de démocratiser l'art. De faire, bah, en fait, si tu veux le refaire chez toi, tu peux. Une ambiance paisible qui permet de se reposer sur peut-être la continuité du temps et des mouvements. Alors, bah, je pense que le son, ouais, il fait beaucoup. Je reviens dessus, hein, mais c'est vrai que ça y a un côté un peu pesant presque, hein, dans le son. Et sinon, l'autre chose, c'est pour moi, il y a une petite différence par contre entre la compréhension et la sensibilité. C'est-à-dire que si on pense aux entretiens qu'on a fait après, il y avait des ambiances très différentes, des gens qui disaient « ça m'a marqué parce que j'ai trouvé un peu angoissant ». Et d'autres personnes qui avaient dit, une autre, « ah non, je l'ai trouvé très cool, très chill, ça m'a relaxé beaucoup ». Du coup, peut-être, il n'y a pas une compréhension, ça veut dire que « ah oui, on a compris ce que les artistes voulaient nous dire », mais plus une sensibilité, ça a touché la sensibilité des personnes. mais peut-être pas, vous n'avez pas envoyé un message clair, quoi. Ah ben non, mais c'est le but du jeu, c'est chacun avec sa sensibilité va ressentir quelque chose de différent, et ça, c'est, nous on est carrément ok avec ça, enfin, on, mm-hmm. c'est ce qu'on voulait un petit peu aussi, c'est que bah, chacun en fonction des images qu'il va voir et de la musique, effectivement en fonction de sa culture, de ses codes et tout, bah, il y en a comme tu dis qui vont trouver ça hyper angoissant, comme d'autres qui vont trouver ça hyper, hyper relax et tout, c'est le but du jeu, enfin, c'est que de toute façon tu vois une œuvre, tu comprends un petit peu ce que l'artiste a voulu dire, mais après toi tu vas l'approprier avec tes codes à toi. Tu vois, c'est que des grosses gouttes qui tombent, mais bah, à quoi ça me fait penser ? En 2015, j'ai passé mon bac, et pour l'épreuve de philosophie, j'ai choisi ce sujet. L'artiste donne-t-il quelque chose à comprendre ? Cette question, on a voulu la poser à Benjamin, sous une autre forme évidemment, puisque nous n'avions pas 4 heures. En bref, on lui a demandé si son art avait un objectif. Est-ce qu'il cherchait à susciter quelque chose en nous, ou est-ce que sa création n'était que de l'expression pure et artistique, sans intention précise ? Je pense que c'est un mélange des deux. Nous, on l'a fait pour nous aussi, cette œuvre. On voulait mm-hmm. quelque chose qu'on trouve intéressant. C'est pas une commande ni rien, c'est vraiment... On avait envie de faire ça, on l'a fait. Mais il y a quand même effectivement un petit côté, tu penses au public, c'est quelque chose qui va être montré quelque part. Puis c'est pas un concert, c'est vraiment une installation. Mais c'est peut-être mon côté musicien qui parle. Enfin, j'aurais plus tendance à faire quelque chose vraiment pour moi si c'était un concert, où là vraiment je vais me lâcher, je vais faire un truc, même si les gens comprennent rien, c'est pas grave, c'est une proposition. Mais là... Pour cette œuvre-là, vraiment, nous, on a eu quand même en tête de dire bah, on a envie que ça soit accessible à tout le monde. Ça fait partie de l'œuvre. Et pour nous, parce qu'on voulait, on est content du résultat. Et pour les gens qui vont le voir, parce que bon, finalement, tu vois, c'est vu que en plus, nous, on va pas être là à kiffer sur scène ce qui est en train de se passer, vu que c'est une installation, il faut que bah, ça soit rendu à ceux qui vont le voir. Quand même. Je dois admettre que la critique de l'art n'est certainement pas mon fort, et je pense qu'il va de même pour Alex. Et en regardant sur internet, on trouve beaucoup d'étiquettes, telles que art numérique, art hybride, etc. Et du coup, je profite du temps que Benjamin nous a donné pour lui demander s'il peut nous aider à donner quelques définitions. Pour moi, l'art numérique, c'est un peu... C'est vrai que c'est un peu fourre-tout, je pense, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Maintenant, beaucoup de choses sont numériques. Quoi. Tu vas voir un concert, c'est numérique. Tu vas au ciné, c'est numérique. Si je devais faire une définition avec mes mots, par exemple, sur ce qu'on peut voir au festival, maintenant, c'est justement de l'art qui a su utiliser ces outils numériques comme moyen de création. Ça va être ça, quoi. C'est pas l'outil numérique n'est pas seulement un médium, ça va faire partie intégrante de la création. On va être honnête, l'émission d'aujourd'hui est peut-être un peu plus philosophique que d'habitude. Alors, quitte à tout questionner, j'ai demandé à Benjamin pourquoi il s'est tourné vers les machines pour exprimer son art. Pour moi, ça veut dire quelque chose, le fait de s'orienter vers les sons synthétiques des machines plutôt que les cordes d'une guitare. Bien que les deux soient pas incompatibles, hein. C'est pas ce que je dis. Alors, qu'est-ce que lui apporte la technologie dans son expression ? Je pense que l'art, tu vois, la technologie, et c'est notre cas et c'est le cas pour plein de monde, ça permet d'émanciper un petit peu les limites qu'on pouvait avoir sur avec d'autres supports. Et pour nous, c'est vraiment ça. Moi, à la base, je faisais de la guitare, j'ai appris à faire de la guitare. Je n'étais pas super guitariste. Et en fait, quand j'ai découvert vraiment les logiciels informatiques et tout ça, j'ai fait, j'ai trouvé un nouveau moyen d'expression. Tout ce que j'arrivais pas à faire à la guitare, bah, j'étais là, je peux le faire, je peux le programmer, je peux le jouer d'une autre manière. Et je vais arriver, en fait, à faire sortir les idées que j'ai dans la tête, mais d'une autre manière. Ça, pour moi, c'est vraiment la technologie. Pour moi, c'est plus un moyen d'expression. Moi, je l'appréhende vraiment de manière ludique. J'arrive et j'utilise tous ces outils qui sont à ma disposition pour faire quelque chose d'artistique, ce que j'ai envie, quoi. Quelque part, il y a quelque chose de culturel. C'est ta culture, un petit peu, d'avoir été baigné dans ces choses-là. Et du coup, c'est le meilleur moyen que tu as trouvé pour exprimer ce que tu voulais faire. Ouais, puis tout simplement, en fait, tu vois, moi, j'écoutais plein de rock au début et tout ça, mais j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire dans ce truc-là. J'étais pas bon musicien. Et quand j'ai commencé à écouter de l'électro ou des choses comme ça, je me suis rendu compte que avec mes petites machines et tout ça, mon ordinateur, d'un coup, j'arrivais à reproduire plus ou moins ce que j'entendais. Et surtout, bah, j'arrivais à faire à dépasser entre guillemets quoi. À la guitare, très vite, j'étais limité parce que bah, voilà, j'avais une mauvaise coordination entre mes deux mains. Alors que sur la machine, t'as pas du tout ça. L'outil numérique et l'outil et la technologie, ça permet de s'émanciper vraiment sur bah, les limites du corps, tout simplement déjà. Il va rester que la limite de ton esprit. Par contre, il ne faut pas, pour moi, penser que du coup, tous les côtés, disons, artisanal et de réessayer de travailler derrière disparaissent avec les machines. Je veux dire, pour moi, la maîtrise quand même de la machine, de l'interface entre ton esprit et la machine demande quand même beaucoup de travail, au moins. De ce ah oui, bah c'est comme un nouvel instrument, c'est un nouvel outil qu'il faut apprendre à maîtriser. C'est différent, c'est complètement différent. Même l'outil informatique, faire de la musique sur un ordinateur, C'est comme un nouvel instrument, quoi. Faut l'appréhender, faut le maîtriser. Moi, je pense que je m'y suis plus retrouvé là-dedans qu'avec des instruments traditionnels, entre guillemets. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Pour moi, c'est vraiment... c'était plus facile, entre guillemets, de faire ça, quoi. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait vraiment aimé votre installation, mais qui a sorti une phrase qui m'a vraiment marqué. Elle disait, ah, l'ambiance était top, les images étaient trop belles, trop évocatives, et la musique était trop bien, même si c'était généré par ordinateur. Et cette tournure de phrase, moi je me suis dit, ah, attention, là il y a quelque chose. Du coup, selon toi, dans la sphère artistique ou en général de comment l'art est perçu, est-ce qu'il y a toujours, disons, un rejet de l'art fait par l'ordinateur plutôt versus l'art fait avec la guitare physique, quoi? Ah bah, c'est intéressant parce que est-ce que cette personne disait ça parce que il y a les gros débats en ce moment sur les IA, mais est-ce que c'était là-dedans? Ou est-ce que c'était carrément effectivement le fait que c'était pas de la musique jouée en direct, quoi? Je pense que c'était plutôt les sonorités qui disaient c'est une sonorité de musique électronique et qui évidemment il y avait une préférence comme si ça c'était dit comme si c'était un peu inférieur, quoi. C'était pas de la musique, c'était la musique électronique, quoi. C'est pas de la oui, vraie. Oui, c'est peut-être ouais. Ça. Mais c'est il y a comme tu dis, il y a sans doute des préjugés là-dessus. Il y a encore des, tu vois, plein de gens qui disent les DJ c'est pas des musiciens et tout ça. C'est bien pour dire que, bon, finalement, les préjugés autour de la musique électronique sont encore assez tenaces, je pense. Combien de fois m'est-il arrivé d'être insensible devant une œuvre dans un musée? Sûrement trop de fois. Peut-être suis-je plus sensible à un genre de culture moins légitime? En tout cas, une culture à laquelle on n'y accolerait pas tout de suite des mots comme « art ». Alors, peut-être que cette distinction, très réductrice, on vous l'accorde, n'a plus de sens aujourd'hui. Est-ce que la technologie a participé à un certain effacement des frontières entre les cultures et les mouvements artistiques? Pour moi, il n'y a pas de culture légitime ou pas légitime. Enfin, il y a de la culture, éventuellement il y a de la contre-culture, avec des propositions différentes du canon, global de la culture contemporaine. Enfin, par exemple, l'art contemporain, les choses comme ça, qui vont comment dire, se mettre dos à dos avec des choses comme des trucs plus punk ou des choses comme ça. Mais bon, encore, ces choses-là, ça sont rattrapées par la culture globale maintenant. Enfin, c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que maintenant, tout est englobé, quoi. Si tu prends la musique, maintenant, il n'y a plus vraiment... C'est à la fois embêtant, je trouve, qu'il n'y ait plus vraiment... les choses soient plus vraiment cloisonnées, mais en même temps, à la fois, c'est génial de se dire, bah voilà, il y a des choses qui sont créées maintenant où tout est englobé et ça va créer des nouvelles choses, quoi. Où chacun va aller piquer des petits bouts à droite à gauche, quoi. Je pense qu'il y a des ponts incroyables qui peuvent être faits entre les différents mondes et que de plus en plus, justement, tu vois, sur des propositions comme le festival maintenant ou à Nantes, le festival Scopitone ou des choses comme ça, il y a des lieux qui sont jugés un peu inaccessibles par le milieu clubbing ou le milieu électro, tout ça, qui vont commencer à être... Où il va y avoir des propositions dans des lieux comme ça, dans des opéras, dans des théâtres. Enfin, faut pas que ces deux mondes s'opposent. Dans toute cette histoire de culture légitime et illégitime, Gou et moi, on y voyait aussi le blocage par la technicité. En gros, est-ce qu'une œuvre doit avoir ses propres codes pouvant inclure ou exclure par sa complexité? Je trouve que c'est l'inverse complètement. Plus une œuvre va être compréhensible facilement, même si elle est techniquement hyper complexe, mais que justement tu ne vois pas cette complexité, c'est là où l'œuvre devient intéressante. Si tu es obligé de mettre une technique ultra complexe pour avoir quelque chose d'intéressant, bah pour moi, ça devient de la technique, ça devient, c'est pas de l'art. Par exemple, en musique, j'ai vu des trucs incroyables avec des shows lumière de malade, mais bah, t'as plus l'impression d'être dans un showroom pour technicien du spectacle que dans une salle de spectacle où tu vas vraiment assister à quelque chose d'artistiquement intéressant, quoi. On ne pouvait pas échanger avec un artiste sans évoquer avec lui la question de l'intelligence artificielle. À la fin de notre entretien, on a discuté de l'impact que pourraient avoir les IA sur son travail artistique et sur la création en général. Je pense que si on fait pas gaffe, tous les métiers artistiques, on va prendre un peu cher. Enfin, y a beaucoup de métiers qui vont être impactés par ça. L'intelligence artificielle, c'est à la fois un super outil pour plein de trucs. Ça peut effectivement faciliter beaucoup de choses. Mais je pense que moi, je suis un peu plus vieux que vous et je pense que je suis un peu ancienne génération. Et pour moi, ça me fait peur. Et puis de dire, c'est pas quelque chose qui a été fait par un humain, mais par un ordinateur, ça m'angoisse un peu. Moi, j'étais baigné par toute la culture des 80. Un port très ambigu. Je trouve qu'il y a des trucs qui peuvent être incroyables par l'intelligence artificielle. Par exemple, dans le domaine de la santé, je pense ça pourrait faire plein de choses, mais dans le domaine de l'art, par exemple tous les trucs qu'on voit avec Midjourney et tout ça, moi ça me touche pas du tout. Moi je trouve que ça reste quand même très factice, quoi. Mais après, en même temps, c'est incroyable. Techniquement, c'est incroyable. Ma peur est toujours seulement de faire comme les peintres, d'avoir le même positionnement des peintres le moment où l'appareil photo est arrivé. Et du coup, c'est parce que je partage complètement ce que tu dis, mais en même temps, je me dis, on venait de le dire, la technologie comme quelque chose qui émancipe, est-ce qu'il y a, peut avoir un rôle émancipateur C'est peut-être ça, c'est peut-être que là, pour le moment, c'est encore trop frais pour nous, et les gens se sont pas encore appropriés ça, et comme tu dis, peut-être que tu vois, dans les années qui viennent, il va y avoir deux disciplines qui vont se créer, comme la peinture et la photo, les deux vont rester, et vont avoir autant d'importance dans le futur, et il y aura des gens qui seront spécialisés dans la culture numérique, intelligence artificielle, et il y en a d'autres qui vont continuer à faire leur... et les deux vont cohabiter. Merci à Benjamin Lebaron d'être venu nous parler de son installation et de son rapport aux arts numériques. On vous invite vraiment à jeter un œil à son travail, et si vous nous écoutez en podcast, on met des liens dans la description pour que vous puissiez vous plonger dans son univers. Également, un immense merci au Festival Maintenant de nous avoir mis en relation avec Benjamin et sans qui cet épisode n'aurait pas pu voir le jour. Les remerciements, vous le savez, ça veut dire que nous sommes déjà à la fin de ce premier épisode de la saison 3 d'Azerty. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à noter le podcast sur les applications dédiées. Nous, on est très heureux de revenir cette année et on vous dit à la prochaine sur Scilab et en podcast. J'aime bien venir ici, parce que le Wi-Fi va super vite. Y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit.